Dans la grande salle du palais des rois de Grande-Bretagne, le vieux roi Lear réunit ses filles, leurs maris et son fidèle ami, le comte de Kent, alias Kent tout court. Pour ce personnage, comme pour les autres qui ont un titre lié à un lieu, ils ne seront plus nommés que par le nom de ce lieu. Le roi annonce son désir de se retirer du pouvoir et sa décision de diviser son royaume entre ses trois filles, Gunril, l'aînée, mariée au duc d'Albany, Wigen, la cadette, épouse du duc de Cornouailles, et Cordelia, la plus jeune, courtisée par le duc de Bourgogne et par le roi de France. La plus large part sera offerte à celle qui saura déclarer au roi qu'elle l'aime le mieux. Les deux aînés n'hésitent pas à jouer la plus hypocrite flatterie.